Bonsoir à vous, chers auditeurs, auditrices. Merci de choisir la radio Isanganiro pour vous informer. Voici tout de suite les titres de cette édition. Excusez. Le 1er décembre chaque année, le monde célèbre la journée dédiée à la lutte contre le sida. La ministre de la Santé précise que les personnes vivant avec le VIH ont diminué. Le chiffre est passé de 6% à 0,9% de 2002 à 2017. Aujourd'hui, certains habitants de la mairie de Bujumbura disent ne plus avoir peur d'attraper le sida, mais ceux qui choisissent de s'abstenir pour s'en prévenir ne manquent pas. Alors que le conseil de direction du lycée Wusiga de la province Ngodi affirme avoir appliqué le règlement scolaire en renvoyant cet élève accusé de maraudage sur un avocatier, l'organisation ayant pitié de lui trouve qu'il n'était pas l'organe habilité à le faire. Quand bien même la Fédération nationale des associations engagées pour le domaine de l'enfance au Burundi parle d'un malentendu dans l'interprétation du règlement scolaire. Dans ce journal également à Kirundo, notre reporter Abraham Safari nous parlera d'un lieu touristique, le lac aux oiseaux, qui connaît des défis comme le manque d'infrastructures pour accueillir les touristes. À la présentation, vous êtes avec Doré Bingabilé, Alphonse Koubguimana assure sur la mise en onde. Isanganiro, la radio de l'avenir. Bienvenue. Après le renvoi définitif de sept élèves du lycée communal Wusiga de la province Ngodi, accusés de maraudage sur un avocatier se trouvant à l'intérieur du lycée, la population n'a pas accueilli de la même manière cette décision. Ils ont été renvoyés le 23 septembre cette année. Certains parlent d'une sévère sanction et d'autres, y compris les membres du conseil de direction, parlent de l'application stricte du règlement scolaire en son article 35. Apollinaire Muzagara nous fait la lecture. Dans cette lettre de décision du 23 septembre 2024 renvoyant les sept élèves, le conseil de direction du lycée Wusiga dit qu'il s'est référé à l'article 35-10 règlement scolaire en vigueur sur le territoire burundi dans cette ordonnance ministérielle numéro 620/1078 du 19 juin 2020. L'article 35 revient sur les fautes qui méritent un renvoi et une non-admission dans aucun établissement pour l'année scolaire en cours. Dans son alinéa 14, l'élève accusé d'une corruption prouvée pour avoir des avantages non mérités en cours cette sanction. Pour rappel, le conseil de direction du lycée Wusiga les a accusés de tentatives de corruption des veilleurs et encadreuses. L'alinéa 21, quant à elle, évoque le vol des biens scolaires ou d'autrui. Il ajoute que ces biens doivent être restitués avant leur envoi. Cette ordonnance ministérielle concerne les écoles préscolaires, fondamentales et post-fondamentales, tant publiques que privées du Burundi. Dongozi, Apone Muzagara, Radio Sanganyiro. Merci Apollinaire. Et la Fédération nationale des associations engagées pour le domaine de l'enfance au Burundi, FENADEB, souligne un malentendu concernant certaines dispositions du règlement ministériel, notamment les articles 35 et 61. Ferdinand Simbaluhije, porte-parole de cette fédération, indique qu'ainsi, ils ont été renvoyés définitivement alors qu'ils auraient dû recevoir une sanction de retrait de 3 points en éducation conformément à l'article 45 de ce règlement. Il appelle le ministre de l'Éducation à intervenir pour rétablir ses élèves dans leurs droits. Cette interprétation peut ne pas être correcte car le vol de fruits au maraudage est également une faute prévue par ce même règlement scolaire. C'est-à-dire, le même règlement indique, en son article 45, indique que le maraudage mérite un retrait de 3 points en conduite. Pour nous, vous savez, depuis très longtemps, dans différentes écoles, on a toujours vu des enfants qui cueillaient des fruits juste pour manger, et parce qu'ils ont faim, soit parce qu'ils voulaient peut-être imiter les autres. Mais on sait de toute façon que c'est un phénomène qui existe depuis longtemps et qui a toujours existé. Mais évidemment, au niveau d'un FEDEB, on ne soutient pas. Mais pour nous alors, l'école devait en principe se référer sur cette disposition qui montre la punition qui doit être donnée aux enfants qui font ce maraudage. Donc, vous comprenez que quand même, les articles qui ont été pris pour référence ne sont pas vraiment corrects. En fait, on aurait dû se référer sur cet article 45. Il y a une malinterprétation de certains articles, comme vous venez d'évoquer ici. Mm-hmm. Au sein de FENADEB, qu'est-ce que vous demandez? Il y a l'article 77 de mes règlements. Signifie qu'en cas de litige lié à l'interprétation de cette ordonnance, que le ministre de tutelle se réserve le droit d'intervenir pour faire valoir la loi. Nous demandons alors au ministre de tutelle, c'est-à-dire en l'occurrence le ministre de l'Éducation, et pour vraiment prendre le dossier en main et afin que ces enfants puissent recouvrir leurs droits. Parce que pour nous, vraiment, il y a eu une mauvaise interprétation du règlement scolaire. Ferdinand Simbaluhije répondait aux questions de Lydie Gahimbali. Et l'organisation ayant pitié de lui regrette que cette décision a été prise par la direction du lycée alors qu'elle n'était même pas l'organe habilité à le faire. Renovani Tunga, représentant légal de cette organisation, indique que si le ministre de l'Éducation ne rétablit pas ses enfants dans leurs droits, l'organisation va saisir la justice. On l'écoute. Ici, je voudrais signaler que c'est le conseil de discipline qui devrait se saisir et prendre une décision. Malheureusement, c'est le conseil de direction qui a pris la décision à la place du conseil de discipline. Ça, c'est de 1. De 2, l'article 35 dont on fait objet ne concerne pas les internes. La section 3 du règlement scolaire en vigueur au Burundi stipule bien que seul les articles de 49 à l'article 60 concernent les internes. Donc, il y a un chapitre réservé aux internes. Au niveau de l'organisation Ayons pitié de lui, nous demandons au ministre de donner l'ordre à la direction pour la réintégration de ses enfants à l'école. Parce qu'il faudrait voir qu'est-ce qui prime sur l'autre. Dans la lettre, on dit la scolarisation. Mais là, on a sévèrement puni. Ça, c'est de la sévérité. Bien qu'ils ont déjà perdu 2 mois, je préfère que les enfants perdent 2 mois au lieu de perdre toute l'année. Et puis, perdre toute une année, est-ce que les enfants auront encore un goût de retourner à l'école? Il y a moyen de rétablir les enfants dans leurs droits. C'est-à-dire, les laisser continuer l'école. Dès ce lundi, on va écrire au ministre pour qu'il fasse une descente. Mais parallèlement, si dans les meilleurs délais, les enfants ne sont pas réintégrés, nous saisissons immédiatement la justice. Et à ce moment-là, l'école devrait se préparer à dédommager les enfants. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Vous êtes bien à l'écoute de la radio Isanganiro. En ligne, c'est sur www.isanganiro.org. Je vous rappelle que vous pouvez également nous suivre sur nos plateformes sociales. Sur Facebook, c'est Radio Télévision Isanganiro RTI et sur X, c'est RTI Isanganiro. Dans la suite de cette édition, les personnes vivant avec le VIH-Sida ont passé de 6% en 2002 à 0,9% en 2017. Déclaration de la ministre de la Santé publique au moment où le 1er décembre de chaque année, le monde célèbre la journée dédiée à la lutte contre le sida. Lidwin Baladahana précise que ces avancées ont été réalisées grâce aux efforts des intervenants dans ce domaine. On l'écoute. Pour cette année 2024, cette journée de lutte contre le sida sera célébrée sous le thème « Suivant le chemin des droits ». Ce thème nous rappelle que chaque citoyen a le droit de vivre aisément dans sa dignité. Il a été démontré que la conjugaison de nos efforts a permis d'atteindre des avancées significatives dans la lutte contre le sida parce que le chiffre des personnes vivant avec le VIH-Sida au Burundi ont passé de 6% en 2002 à 0,9% en 2017 selon l'enquête démographique de santé 2016-2017. Les cas de décès ont aussi diminué significativement. Notre pays est proche d'atteindre l'objectif mondial de 3,95% dans le domaine de la lutte contre le VIH, car plus de 95,5% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique et parmi elles, 99,8% sont sous ARV et 90 parmi eux ont la charge virale indétectable. Ces avancées significatives ont été réalisées grâce aux efforts du gouvernement du Burundi dans la construction des formations sanitaires à proximité de la population, l'implication des associations de lutte contre le sida, la prise en charge de la gratuité des PVVIH ainsi que l'appui des partenaires au développement, ce qui a permis que le Burundi occupe la première place dans la lutte contre le VIH dans la sous-région de l'Afrique de l'Est et centrale. Les festivités marquant la célébration de cette journée se dérouleront en province de Lomongué le 4 décembre 2024. comme l'a annoncé la ministre lituanienne Baladahana. Et certaines personnes, y compris des jeunes exerçant les activités génératrices de revenus au centre-ville de Bujumbura, disent qu'en se référant en discussion qu'ils ont entre amis, il est évident qu'ils n'ont plus peur d'attraper le VIH-Sida. Mais certains disent qu'ils utilisent la méthode d'abstinence pour s'en prévenir et conseillent à d'autres jeunes de leur génération de le faire. On peut essayer de mettre en pratique les conseils que les médecins nous donnent. La première méthode qui est plus utilisée et aussi qui est plus facile, c'est l'abstinence totale. Concernant moi, je peux dire que j'utilise l'abstinence parce que je sais les conséquences liées au rapport sexuel avant le mariage. C'est pourquoi je conseille aux jeunes, surtout, d'utiliser de telles méthodes d'abstinence. Une fois que j'aurai envie de faire le rapport sexuel avec mon partenaire, je vais lui conseiller de consulter nous deux, le médecin, pour qu'il puisse nous examiner afin qu'on soit sûr si quelqu'un ou l'autre est malade ou n'est pas malade. Ces jours-ci, les jeunes n'utilisent pas les méthodes de se prévenir contre le VIH comme les années antérieures. Par exemple, les filles, nous avons peur d'être engrossées plutôt que d'être attrapées par le VIH. Les conseils que je donne aux jeunes, c'est qu'il faut mettre en tête que le VIH existe encore. Il faut aussi faire le dépistage. De nos jours, la plupart des gens te disent qu'ils n'ont plus peur du VIH. Car, explique-t-il, il s'agit d'une simple maladie comme toute autre. Plutôt, certains craignent d'être atteints de l'hypertension ou de la diabète. Je pense que l'une des raisons est qu'aujourd'hui, on peut vivre beaucoup d'années avec le VIH. Il suffit seulement de bien prendre les médicaments. Pour moi, les sensibilisations ne changeront rien de spécial du moment que les gens sont conscients qu'avec le VIH, tu veux vivre longtemps. De mon côté, le mode de prévention est de rester fidèle à mon épouse. C'est notre méthode pour moi et ma femme. Du sida, parlant des violences basées sur le genre, toujours en mairie de Bujumbura, où certains habitants évoquent l'impunité et la non-dénonciation des auteurs de ces violences comme quelques-unes des causes de la non-éradication de ces dernières. Ils demandent que les auteurs, une fois connus, soient punis conformément à la loi. Ils le disent dans le cadre de la campagne internationale des 16 jours d'activisme contre ces violences qui a débuté le 25 novembre. Selon moi, pour éradiquer ces violences basées sur le genre, il faut que les parents organisent des dialogues d'échange avec leurs enfants pour leur apprendre que des violences basées sur le genre existent et comment éviter de tomber dans les pièges des prédateurs sexuels. Il faut également que la loi pour lutter contre les violences basées sur le genre soit renforcée et des sanctions sévères à l'encontre de ces violences basées sur le genre. On entend ceux qui nient aujourd'hui qu'il n'y a plus de VBG alors qu'elles existent toujours. Pour moi alors, il faut punir de façon exemplaire les auteurs et surtout qu'ils purgent leur peine parce qu'on a déjà constaté que ceux qui sont emprisonnés et qui sont relâchés quelques jours après. Certains préfèrent des arrangements à l'amiable avec les auteurs des violences basées sur le genre parce que peut-être l'auteur est un membre de la famille ou une haute personnalité. Et à cause de pots de vin, les parents abandonnent dénoncer l'auteur. Vous comprenez que cette personne n'aura jamais peur de faire ces actes ignobles. Ensuite, il faut que la corruption à tous les niveaux soit bannie. On a déjà constaté des conseillers collinaires qui favorise des arrangements à l'amiable suite au pot de vin. Il faut que toute personne, homme et femme, victime des violences basées sur le genre, ose dénoncer dans le but de les éradiquer. Les hommes ont peur suite à la culture burundaise. Et enfin, il faut que le gouvernement fasse un suivi rigoureux de l'application de la loi sur la violence et combattre les arrangements à l'amiable. <t'-> Du tourisme pour boucler cette édition, le manque d'infrastructures pour accueillir, héberger, restaurer les touristes et autres visiteurs, ainsi que le manque de routes modernes sont parmi les défis auxquels fait face le secteur touristique, surtout le lac Guihinda, communément appelé lac aux oiseaux à Kirundo. Cela a été signalé par Diomède Manalio, responsable provincial chargé de protection de l'environnement et les zones aquatiques dans les lacs du Nord. Il a précisé que les oiseaux migrateurs qui attirent les touristes qui proviennent généralement en Europe et en Asie apparaissent sur le lac à partir du mois de février lors de la période d'hiver jusqu'au mois d'août. Abraham Safari. Le lac Guihinda, communément appelé lac aux oiseaux, est situé à 4 km du chef-lieu de la province de Kirundo et a une superficie de plus de 400 hectares. Comme le précisent les agents de l'Office burundais de protection de l'environnement, OBP en sigle, et confirmé par Diomène Banario, responsable provincial chargé de protection de l'environnement et les aires aquatiques protégées, ce lac accueille plus de 190 sortes d'oiseaux. La majorité d'entre eux proviennent de l'Europe et de l'Asie lors de la période d'hiver et s'appellent des oiseaux migrateurs et apparaissent sur le lac à partir du mois de février jusqu'au mois d'août. Là, ils pondent des œufs dans un îlot qui se trouve à l'intérieur du lac Guihinda et à la zone riveraine appelée zone Tampo. Ces oiseaux retournent chez eux après avoir fait grandir leurs petits qui sont capables de s'envoler. Pour le secteur du tourisme, Diomède Manalio confirme qu'il y a une petite amélioration. Ici, il parle d'un petit bateau muni d'un moteur qui facilite le déplacement des visiteurs sur le lac et les gilets de sauvetage. Une maison moderne abritant les bureaux, petites salles et magasins de conservation du matériel a été érigée sur le lac. Toutefois, ce responsable provincial signale qu'il y a des défis dans ce secteur. Ce sont entre autres le manque de bâtiments, ou hôtels pouvant servir d'hébergement et restauration pour les touristes et autres visiteurs. Il appelle au privé d'ériger des appartements sur le lac afin de faciliter aux touristes de mieux se détendre. Signalons que la province de Kirundo regorge 8 lacs. Les plus importants parmi eux sont Rugweru, Chohoha, Rugwihinda et Kanzigiri. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio. Merci à toi, Abraham Safari. Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci à vous qui nous avez prêté une oreille attentive à la présentation. Vous étiez avec Doré Bingabilé, Alphonse Koubguiman a assuré la mise en onde. C'est la fin du mois de novembre. Bon vent pour ce nouveau mois de décembre. Je vous laisse avec Jean Bosco Ndouimana. Il a lu la presse pour nous. Au revoir. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir. Pitié, c'est le cri de cœur de l'éditorialiste du journal Uachu pour appeler le conseil de direction du lycée de Busiga à l'indulgence en faveur de cette jeune fille sanctionnée par un renvoi définitif pour tentative de corruption des encadreuses et maraudage, un vol d'avocat sur un arbre se trouvant dans les enceintes de cet établissement et dont les branches plient sous le poids de ses fruits tentants. Puisque ce ne sont que des enfants, mais hélas, comme dans les animaux malades de la peste de Jean de La Fontaine, leur peccadille fut jugée incapendable. Peut-être que la faim, l'occasion, l'herbe tendre, quelques diables aussi, les poussant, ces jeunes filles, ont cueilli ces avocats, une sorte de fruit défendu. Son confrère l'avoue, elle n'en avait nul droit, mais il estime que ce n'est pas un crime abominable et que donc, il ne faut pas que cette décision de renvoi de cette jeune fille, dont une de la communauté débattoire, tombée comme un coup près le 23 septembre de cette année, soit à l'image de ces jugements de cour qui vous rendent blanc ou noir. Une infrastructure si stratégique, titre Burundi Echo en une de sa parution cette semaine. Il s'agit en effet de la reconstruction du pont Nyamoma, reliant les localités de Kaburantwa au Burundi et Sangé en République démocratique du Congo. Les habitants et l'administration de la commune de Buganda dans la province de Cibitoke considère ce pont long d'une centaine de mètres comme une véritable aubaine. Ils se disent prêts à en tirer profit, d'autant plus que son rétablissement va favoriser les échanges commerciaux et culturels entre les deux pays, écrit son confrère. Cet hebdomadaire socio-économique rappelle que le Ponyamoma a été détruit lors des tensions qui opposaient le Burundi et la République démocratique du Congo sous les régimes de Mobutu Sese Seko et Jean-Baptiste Bagaza dans les années 1970. Burundi Echo fait remarquer que la reconstruction du Ponyamoma est donc le résultat de la mise en œuvre du mémorandum d'entente signé en juillet 2021 entre le président de la République du Burundi Évariste Ndayishimiye et le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Revue de la presse. Le non-respect de la zone tampon autour des rivières et lacs constitue une menace pour la biodiversité, constate l'agence burundaise de presse. En effet, la zone tampon de 50 mètres établie autour des deux lacs Dogodogo et Nyamuziba de la commune Rugombo en province Cibitoke n'est plus respectée. Les cannes à sucre et d'autres herbes appropriées mises en place pour constituer une barrière physique entre le lac et les champs sont disparues et ont été remplacées par des champs de riz, de patates douces ou d'autres cultures. Par conséquent, regrette ce quotidien, la protection des poissons et d'autres êtres vivants du dit lac n'est plus assurée. Deux pêcheurs rencontrés sur place par son confrère ont indiqué que la production du poisson continue de chuter avec la diminution des dimensions de ce lac. La commune de Rumonge et l'ONG Village Healthworks prêtent à indemniser, rapporte Net Press, qui évoque ici l'indemnisation des populations dont les cultures seront détruites par la construction de la piste Buzimba au thermal de Mugarakigutu qui ont commencé mercredi 27 novembre. Au cours d'un point de presse animé conjointement par Augustin Minani, administrateur de la commune de Rumonge, et Jacques Lindosten, directeur pays de l'ONG Village Healthworks, ils ont indiqué que pour la première phase, la piste sera construite en terre battue, avec maçonnerie des caniveaux et agrandissement de la piste jusqu'à une largeur de 7 mètres, poursuit son confrère, précisant que les travaux qui prendront 3 mois seront financés à 100% par la commune de Rumonge. Ce quotidien en ligne souligne aussi qu'avec la réhabilitation de cette route, les malades pourront arriver à l'hôpital de Kigutu sans problème et que les visiteurs atteindront les eaux thermales de Mugara sans difficulté. Enfin, son confrère note que la deuxième phase de ce projet consistera au bitumage de cette piste. Et c'est la fin de cette revue de presse préparée et présentée par Jean-Bosco Ndouimana. Restez branchés sur nos ondes. Revue de la presse.